Vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bonjour et bienvenue à cette émission Rock Classique de ce vendredi 27 juin de l'an 2008. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 4 prochaines heures. Aujourd'hui, émission régulière, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière Rock Classique. On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du hard rock, du glitter rock, du shock rock, du blues rock, ainsi que du metal au cours de la dernière heure. On va entendre des artistes des formations comme The Who, The Birds, Spencer Davis Group, The Kinks, Zombies, Paul McCartney, Genesis, Van Halen, Iron Maiden, Porcupine Tree, Roxy Music et Deep Purple. Je vais aussi vous faire tourner les demandes spéciales que vous m'avez faites la semaine dernière. De plus, je vais vous présenter un groupe hollandais très obscur du début des années 70. Je vais vous présenter le premier album éponyme du quintet Earth and Fire, paru en 1970. Je vais aussi vous présenter deux nouveautés, une toute nouvelle formation canadienne de Vancouver, le Green Hour Band, ainsi que le nouvel album d'une grosse pointure du métal, un quatuor de Los Angeles, qui était de passage en concert à Montréal dans le cadre du Heavy MTL dimanche dernier, Motley Crue, avec des extraits de leur tout nouvel album sorti mardi dernier, Saints of Los Angeles. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute avec un peu de matériel des années 60. Dans un moment, on va entendre les Yardbirds avec un de leurs gros canons. Mais tout de suite, on écoute The Standards, Dirty Water, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! Yeah. Yardbirds avec I'm a Man, c'est paru à l'origine sur leur album Having a Rave Up de 1965. Juste avant ça, on a entendu The Who avec Run, Run, Run, la pièce qui ouvre leur album A Quick One de 1966. Au début du bloc, en 45 tours en 1966, ça avait été un gros succès sur les stations de radio rock de l'époque. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre et cela jusqu'à 17h. On va poursuivre avec un peu de matériel encore des années 60. Dans un moment, on va entendre le Love Sculpture ainsi que The Ladidas. Mais tout de suite, on écoute formation de New York qui, excellent pastiche des Beatles, The Knickerbockers à l'antenne de C'est Fou 89.1. I'm gonna die. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. une reprise d'une pièce du répertoire classique du compositeur arménien Khatchaturian, La danse du sabre par la formation Love Sculpture. Gros succès en Angleterre en 1968, un numéro 5. En fait, le seul gros succès de Love Sculpture en carrière. Love Sculpture, qui était un trio britannique, qui mettait en vedette l'excellent guitariste Dave Inmoons. Ils se sont séparés à la fin des années 60 et par la suite, Inmoons a formé le groupe Rockpile, qui est un groupe de rock and roll pur, qui a eu passablement de succès en Angleterre dans les années 70. Inmoons avait la réputation, de mener une vie très rock and roll et il s'entendait très bien avec Lemmy de Motorhead. D'ailleurs, il a travaillé, entre autres, sur le premier album éponyme de Motorhead dans les années 70. Il a produit quelques pièces de Motorhead qui ne sont jamais sorties à ma connaissance. Juste avant Love Sculpture, on a entendu un groupe de la Nouvelle-Zélande, la Didas, avec la pièce How is the air up there? Au début du bloc, on a entendu, non pas les Beatles, mais un excellent pastiche avec la formation The Knickerbockers et la pièce Lies, parue en 45 tours en 1965. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. On va poursuivre avec encore un peu de matériel des années 60. Dans ce moment, on va entendre le Spencer Davis Group avec un très gros classique et les Zombies. Mais tout de suite, on écoute les Birds sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Time to die, or time to plant, or time to reap.

Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tanned, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She had tanned the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. The Zombies avec leur classique She's Not There, apparu en 45 tours en 1964. Juste avant ça, on a entendu The Kinks avec la pièce Parley Line qui ouvre leur excellent album Face to Face de 1966. On a aussi entendu le Spencer Davis Groove avec leur classique Give Me Some Lovin', bien sorti en 45 tours. En 1966, ça avait été un énorme succès numéro 2 en Angleterre. Au début du bloc, on a entendu The Birds avec la pièce titre de leur deuxième album, paru en 65, Turn, Turn, Turn to Everything, There is a Season. 13h40, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse www.rockclassique.net sur lequel vous risquez de retrouver des choses qui pourraient vous intéresser. Il y a des liens vers certains des plus beaux sites Internet de plusieurs artistes rassemblés sous la grande bannière Rock Classic. On retrouve aussi les canevas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier ou encore consulter le top 30 des meilleurs albums Rock Classic. Il y a les tops des années passées, il y a un lien pour me contacter et une section balado diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission comme ça n'importe quand dans la semaine. Le site se trouve donc au www.rockclassique.net et fait très rare de nos jours, on ne retrouve pas de publicité sur le site. Je vous parle maintenant d'un groupe très obscur. Je vous parle de la formation hollandaise Earth and Fire. Formation très obscure pour nous dans le reste du monde, mais il s'agit d'un groupe qui est très connu dans leur pays natal, où ils ont été de véritables vedettes, ainsi qu'au Japon, où ils sont même plus connus que l'autre gros groupe hollandais populaire de rock progressif dans le monde, Focus. Ils ont connu vraiment beaucoup de succès, Earth and Fire, dans la Hollande natale, dans les années 70. Ils faisaient une espèce de rock progressif symphonique très axé sur le mélotron à leur début, et ils mettaient en vedette une très bonne chanteuse, Journey Kagman. Ils ont eu quelques succès sur 45 tours à la fin des années 60, et ils ont enregistré un premier très bon album éponyme en 1970. Vraiment très bon disque dans le genre, sorti dans une pochette assez ordinaire en Hollande, qui montrait une photographie du groupe tout simplement prise dans un champ. Mais pour la sortie du disque dans le reste du monde, c'est Roger Dean, le responsable des pochettes de Yes, qui a réalisé la couverture. Et elle est vraiment très belle. On va tout de suite écouter trois pièces de ce premier album éponyme de Earth and Fire sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou, 89.1. You don't deserve, you've got to know what you're gonna do. Dimension Rock Classique. On vient d'entendre trois pièces tirées du premier album éponyme de Earth and Fire, paru en 1970. On vient d'entendre la pièce Ruby is the One, qui a eu beaucoup de succès dans le pays d'origine de Earth and Fire, la Hollande, à la fin des années 60. Ça s'est retrouvé dans le top 5, tout comme la pièce qu'on a entendue au début du bloc, Wild and Exciting, qui ouvre l'album. Entre les dieux, on a entendu plutôt la très belle pièce Twilight Dreamer, qui est tout à fait représentative de ce premier album de Earth and Fire. Ça se promène de textures douces et folk à des ambiances un peu plus rock, dominées par Log Hammond et la guitare électrique de tout arroser abondamment de mélotron. C'est vraiment très bon. Earth and Fire ont eu beaucoup de succès en Hollande et au Japon, mais ils sont restés parfaitement inconnus dans le reste du monde. Ils ont vendu beaucoup de disques en Hollande dans les années 70. Peu à peu, ils sont devenus de plus en plus pop jusqu'à leur dissolution au début des années 80. Vous pouvez visiter leur site web au earthandfire.ning.com qui est assez bien fait, mais malheureusement en hollandais seulement, mais il y a de très bonnes photos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, une formation de jazz rock britannique, la formation IF. Il est 13h55. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec trois gros canons. Dans un moment, on va entendre The Fifth Dimension. Mais tout de suite, on écoute les Canadiens Fireman Electrical Band avec leur classique Signs sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou! Said long-haired freaky people need not apply. So I took my hair up under my hat and I went in to ask him why. He said, "You look like a fine, upstanding young man. I think you do." So I took off my hat. I said, "Imagine that, me working for you." Don't do that, can't you read the sign? The sign said anybody caught trespassing would be shot on sight. So I jumped on the fence and I yelled at the house, "Hey, what gives you the right to put up a fence to keep me out or to keep Mother Nature in? God was here to tell you to your face, man, you're some kind of sinner." Sign, sign, everywhere a sign, blocking out the scenery, breaking my mind. Do this, don't do that, can't you read the sign? Are you a mister, can't you read? You've got to have a certain tie to get a seat. You can't even watch, no, you can't. Supposed to be here. Science said you got to have a membership card to get inside. Everybody welcome, come in, kneel down and pray. But when they passed around the plate at the end of it all, I didn't have a penny to pay. So I got me a pen and a paper, and I made up my own little sign. I said, "Thank you, Lord, for thinking about me. I'm alive and doing fine." Woo! Sign, sign, everywhere a sign, blocking out the scenery, breaking. Don't do that, can't you read the sign? Sign, sign, everywhere a sign. Avant de ne plus rien entendre, Santé Canada vous recommande d'écouter Vidon Ladon la question le mercredi à midi sur les ondes de C'est fou. Ne manquez surtout pas les rediffusions de Vidon Ladon la question le vendredi 9h, le samedi midi et le lundi 16h. Sur les ondes de C'est fou 89,1 FM

Attention, rock classique jusqu'à 17h. Elton John avec un de ses classiques, Benny and the Jets. C'est tiré d'un de ses albums classiques qui date d'il y a très longtemps, à l'époque où il faisait de la bonne musique, en 1973, l'album Goodbye Yellow Brick Road. Juste avant ça, on a entendu Fifth Dimension avec The Age of Aquarius. C'est tiré de l'album du même nom paru en 1969. Au début du bloc, on a entendu la formation canadienne Five Man Electrical Band avec la pièce titre de leur album Signs de 1970. Il est 14h12, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Deep Purple et Roxy Music avec deux très gros classiques. Mais tout de suite, on écoute Paul McCartney à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Baby, I'm a man. Baby, I'm a lonely man who's in the middle of.

Rock Classique 89.1. Roxy Music avec leur classique Love is the Drug qui ouvre leur album Siren de 1975. Juste avant ça, on a entendu Deep Purple avec Lazy, c'est tiré de l'album Machine Head de 1972. Et au début du bloc, on a entendu Paul McCartney avec Maybe I'm Amazed, une pièce qu'on retrouve sur le premier album solo de Paul McCartney, intitulé tout simplement McCartney, paru en 1970. 14h28, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle d'un tout nouveau groupe canadien originaire de la Colombie-Britannique et qui fait un rock d'inspiration très 60s, le Quatuor Green Hour Band de Vancouver. Ils se sont formés il y a un an à peine et ils s'inspirent directement de groupes des années 60 comme Pink Floyd avec Syd Barrett, les Yardbirds, Velvet Underground, les Who, Pretty Things, les Rolling Stones et les Beatles. Le groupe est composé du guitariste-chanteur Thomas Rowe, du guitariste et claviériste Randy Kramer, le bassiste James Bull et le batteur Nick Eccleston. Ils ont connu une ascension vertigineuse en ouvrant notamment pour Black Mountain. Leur premier album est sorti il y a quelques semaines. On va tout de suite écouter trois extraits sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou!

Une toute nouvelle formation canadienne, The Green Hour Band, avec trois extraits tirés de leur premier album éponyme, sorti il y a quelques semaines. On vient d'entendre The Clock Tower's Request. C'était précédé des deux pièces qui ouvrent l'album, soit Introduction et Yesterday's Tomorrow. C'est assez intéressant comme album. Ceux qui aiment le son des années 60, dans la mouvance de Jefferson Airplane, Moby Grape ou Pretty Things de l'époque Parachute, ça se rapproche. The Green Hour Band de Vancouver. Ça vient tout juste de sortir. 14h40, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Queen, mais tout de suite, on écoute un groupe qui va être à Montréal en concert pour la première fois en 40 ans de carrière la semaine prochaine. Steely Dan, à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou! The man gave me the news. He said, "You must be joking, son. Where did you get those shoes? Where did you get those shoes?" Well, I've seen them on the TV, the movie show. They say the times are changing, but I just don't know. These things are gone. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. The days when the lands were few and the ship sailed out into the blue and misty fog, sweetest sight ever seen. And the night for the day and the storytellers say the storm rage soars inside. For so many a lonely day, sailed across the murky seas. Never fear, never cry. Don't you hear my call, though you're many years away? Don't you hear me calling you? Write your letters in the sand, or the day I take your hand in the land that I grant to renew. La version en concert de 39 qu'on retrouve sur leur excellent album en concert Live Killers de 1979. Juste avant ça, on a entendu Steely Dan avec l'excellente pièce titre du non moins excellent album Fragile Logic, paru en 1974. Steely Dan qui seront en concert pour la première fois au Québec à Montréal mardi et mercredi prochain, 1er et 2 juillet, à la salle Wilfrid Pelletier dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser ce soir, l'ancien chanteur de Marillion Fish est au cabaret du Capitole de Québec avec en première partie Signs of One. Et demain soir, il est au National de Montréal avec Jellyfish. Van Halen vont ouvrir le Festival d'été de Québec jeudi prochain, 3 juillet, sur les plaines d'Abraham. Ça devrait être vraiment mémorable. Le dimanche 6 juillet, Dweezil Zappa et Adrian Belew seront à leur tour au Festival d'été de Québec. Le lendemain, le 7, c'est Johnny Winter qui est à l'Impérial, en même temps que The Ventures sont sur la scène Belle. Et le lendemain, le 8, The Ventures seront cette fois-là sur la scène Molson Rye. Black Crowes seront au Metropolis le mardi 8 juillet. Jeudi 10 juillet, Stone Temple Pilot à son tour foule la scène Belle dans le cadre du Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. Et le lendemain, ils sont au Centre Belle de Montréal. Crosby, Stills and Nash seront à la salle Wilfrid Pelletier le mardi 22 juillet. Testament, ça c'est pour les amateurs de métal. Ils seront à l'Impérial de Québec le lundi 4 août. Samedi 9 août, Def Leppard sera au Colisée de Québec avec Billy Idol. Mercredi 13 août, Rod Stewart sera au Centre Bell. Finn Troll seront au Medley le mardi 26 août et le 27, ils seront à l'Impérial de Québec. Nightwish sera au Metropolis avec Sonate Arctical le lundi 1er septembre. Jeudi 18 septembre, Helloween et Gamma Ray seront à la salle Albert Rousseau de Québec. Et le lendemain, le vendredi, ils seront au Medley de Montréal. Amorphis, Leaves Eye, Samael et Virgin Black seront au Fofone Électrique le vendredi 3 octobre. Et Alice Cooper, oui, ça c'est en vente depuis un bout de temps, même si c'est quand même loin. C'est le mercredi 15 octobre. Il sera au Saint-Denis. Et finalement, Judas Priest, oui, Judas Priest avec Voivod en première partie au Centre Bell. C'est le 12 août, c'est un mardi. Et les billets sont en vente à partir de demain midi. Il est 14h50. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un peu de rock québécois. Dans un moment, on va entendre Plume et Gilles Valiquette. Mais tout de suite, on écoute un des chanteurs français les plus importants dans le rock des années 70, Jacques Higelin, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou! D'oxyre mon acte de naissance. Écoute-moi bien, marchant devant. La vie naît de la jouissance. La jouissance vient du feu. Le feu de l'amour et l'amour de la vie. Je le sais, parce que tout ce qui brûle est rouge. Je le sais, le sang qui roule dans mes veines rouges, le feu vient de l'amour, et l'amour naît de la vie, de la vie. Jamais perdu le goût de ça. verte. Comme ça. Mon royaume est une décharge publique. Les boueux sont mes complices. Le feu vient de l'amour et l'amour naît de la vie, de la vie. Est-ce que ma guitare est un fusil? Ah, ah. Est-ce que ma guitare est un fusil? Oh. Est-ce que ma guitare est un fusil? Oh. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Hume la traverse avec le Charlo's Boogie tiré de son album Le Vieux Chausson Sale, album à la pochette peu ragoûtante, sorti en 1975 et qui n'est jamais paru en format CD. Juste avant, on a entendu Gilles Valiquette avec la pièce Jamais rien dit, une chanson qui fait état du désarroi de certains parents dans les années 70 par rapport à leur progéniture hirsute. C'est tiré de l'album du même nom de 1974. Au début du bloc, on a entendu le chanteur français Jacques Gillin avec son classique Est-ce que ma guitare est un fusil, tiré de l'album BBH 75, paru bien sûr en 1975. Il est 15h05, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans cette veine québécoise. Dans un moment, on va entendre Offenbach, le Capitaine No et Willemar Blues Band. Mais tout de suite, on écoute Robert Charlebois sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Cela se passait autrefois sur un écran noir et blanc sale, quand je croyais au cinéma les samedis de salle paroissiale. Cela se faisait en série après l'affût d'amour trop long. C'est Fu Manchu et Gino Tree qui firent que je me ronge les ongles. Il y avait les bons et les méchants, il y avait le ketchup pour le sang, les jeunes barbus des derniers rangs qui pitchaient des chips dans l'écran. Lorsque le héros, attaché par le cou sur la voie ferrée, constate qu'il est abandonné et que le train va arriver. Help somebody, help somebody, je fais un rêve, réveillez-moi, le train s'en va. Le train va arriver. Cela se passa mille fois, cela se passa mille nuits, où je revivais les émois des héros de l'après-midi. Cela se faisait en série, mon père me renvoyait au lit, où je sombrais dans la folie, sous mes couvertures refroidies. Il y avait les ongles de Fu Manchu, il y avait ses yeux gros comme des choux, il y avait le train à chou chou chou chou qui me coulait le long du cou, qui me descendait le long du dos. J'étais devenu le héros attaché sur la voie ferrée qui entend le train arriver. Help somebody, help somebody, c'est pas un rêve, je me suis trompé. Le train s'en vient, y aller. Je t'aime, je t'aime. Ok, now. Je t'aime à plein temps jusqu'au dernier. Mais c'est que même en voulant pour être c'est pareil, je t'aime jusqu'au sol, jusqu'au dents. Mais c'est que tu à l'eau, avec un cœur en plein milieu, des yeux et des aïeux, au bout des cheveux et ma queue entre mes longs jeux. Me bloc, me bloc, tout BJ. Girl, drop me submarine, flyer comme une garnotte, tout score et même la dame. Oh bébé, j'suis pas tout à fait dedans, mais ça s'en vient. Tranquillement, c'est ça. En montant, tout le temps, yeah. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime à plein dents jusqu'au dents. Mais c'est que même en voulant pas être dedans, c'est pareil, je t'aime jusqu'au sol, jusqu'au dents. Mais c'est qu'il vit à l'eau, avec une croix en plein milieu des yeux. Mon bâton fort en tête castor et tout mon corps qui crie maintenant. Me bloc, me bloc, tout piché. Third drop et submarine, flyé comme une garnotte. Tout score et même la dame. Bon bébé, j'suis pas tout à fait dedans, mais ça s'en vient. Tranquillement, c'est ça, en tirant, en poussant, tout le temps, tout le temps. Je t'aime, je t'aime, okay, je t'aime, à plein temps jusqu'au dents. mais c'est que même en voulant pas être dedans, c'est pareil, je suis dedans jusqu'aux ans, jusqu'au down. Ben c'est qu'il fait à l'eau, avec une bombe en plein milieu des yeux, un morceau de travers dans mon joint, mon grand, mon beurre, le topo, mon meuble, meuble, tout DJ. Girl, drop a submarine, fly it comme une garnotte, tout score, me blague down. Mon bébé, là je pense que je suis dedans, ça s'en vient tranquillement, c'est ça, en grimpant, tout le temps, yeah. A wind down. A wind down. A wind down. A wind down. Et le héros s'en déprenait, autant par justesse que justice. Et le scénario continuait, et la chanson et la réglisse qui nous coulait dans nos mains sales, la morve au nez, la bouche ouverte. Il n'y avait plus de salle paroissiale, l'univers était en alerte. Trudeau speak up devant la chambre des tortures, les appartements qui rapetissent, les monts qui pensent leurs blessures dans les antichambres à supplice. Et la belle fille, cheveux au vent, qui s'en va chercher du secours. Va-t-elle revenir à temps? Lady Trenton réussira-t-elle à sauver Bill? Inquiétude. Afin d'en savoir plus long sur le cours, transportons-nous maintenant à bord du porte-avions Yorktown, où les petits spectateurs de la salle paroissiale Saint-Stanislas, devenus maintenant de brillants Marines américains, attendent avec impatience le retour de Lady Trenton, le sauvetage de Bill Inquiétude et des cosmonautes.

personne ne m'aime, personne ne veut m'aimer, personne ne m'aime, personne ne veut m'aimer. Pourtant dans le fond, je le sais, j'suis tout fucké. Pourtant dans le fond, je le sais, ben tout pogné. Personne ne m'aime, personne ne veut m'aimer. Pourtant dans le fond, je le sais, je m'en fous pour rien. Pourtant dans le fond, je le sais, je suis tout fucké. Je rêve à des choses qu'on n'a plus touchées. Sa fungama, ma la vai pulsa, ti mai vai. Philemon Blues Band avec leur classique Yamanek tiré de leur album Live à Montréal de 1974. Juste avant ça, on a entendu le Capitaine No avec Personne ne m'aime tiré de son album, premier album éponyme paru en 1975. Précédemment, on a entendu Offenbach avec la version spectacle de Shane Rocker qu'on retrouve sur leur coffret 2-4-6, pièce qui a été enregistrée au Saint-Denis et qui n'avait pas été retenu pour la version originale de l'album en fusion avec le Vic Vogel Band de 1979. Au début du bloc, on a entendu Robert Charlebois avec son classique Fu Manchu tiré de l'album du même nom paru en 1973. 15h30 pile, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classic qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de rock progressif. Dans ce moment, on va entendre Porcupine Tree et Opeth. Mais tout de suite, on écoute Genesis à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1. The streets were deserted, but the police were alerted. They considered the phone and call a hoax. Furtively glancing, then jauntily prancing, they echoed the guards unaware. Slipping between them, he ought to have seen them. The eyes and their own were so near. With torch shining bright, he strode on in the night. Forever. to hold me for trial. I'll stay out of jail for paying my bail. And after I'll go to the court of appeal, saying you done me wrong, it's the same old song. Canada vous recommande d'écouter Vidon Ladon la question le mercredi à midi sur les ondes de C'est fou. Ne manquez surtout pas les rediffusions de Vidon Ladon la question le vendredi 9h, le samedi midi et le lundi 16h. Sur les ondes de C'est fou 89,1 FM à Trois-Rivières. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123. Tunisiana. C'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités luthériennes et les spectacles à voir absolument. C'est pour moi, c'est le palmarès des concours et forums. C'est pour moi, c'est le site de radio universitaire où vous pouvez visiter de la francophonie. C'est pour moi, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est pour moi, c'est tout ça. Toutes les informations de vos vidéos. C'est fou dans vos oreilles. Keep me waiting. You keep me alone in a room full of friends. You keep me hating. You keep me listening to the bands. No amount of pointless days can make this go away. You have me on my knees. You have me listless and deranged. You have me in your pocket. You have me distant and estranged. No narcotics in my brain can make this go away. I'm sorry then. I'm sorry that I'm not like you. I worry that I don't act the way you want me to. I'm sorry that I'm not like you. Find me wanting. find me bloodless but inspired. You find me out. You find me hallucinating fire. No narcotics in my brain could make this go away. I'm sorry that I'm not like you. I worry that I don't act the way you want me to. I'm sorry that I'm not like you. Classique 89. Thank you.

Super belle journée pour les amateurs de métal et ceux qui aiment la musique musclée et très puissante. D'ailleurs, la foule était assez volumineuse pour cette première fin de semaine. 36 000 personnes selon le quotidien La Presse, ce qui est beaucoup plus que ce qu'a attiré le festival Oceaga dans les deux dernières années. Une dizaine de groupes se sont succédés samedi sur les deux scènes. Certains ont fait meilleure figure que d'autres, mais en général, la qualité était au rendez-vous. Personnellement, j'ai bien apprécié Unexpect qui ont ouvert la journée, le festival. Lauren Harris, la fille de Steve Harris, qui est le bassiste d'Iron Maiden, elle a fait bonne figure. Elle a fait plutôt dans le hard rock que le metal. Elle a ouvert d'ailleurs son concert avec Natural Thing, un classique de UFO. Symphony X est excellent comme toujours. Et surtout Overkill, qui ont donné la meilleure prestation, à mon avis, dans la journée, à part Iron Maiden, qui était les vedettes de la soirée. Ils ont donné, comme d'habitude, un excellent concert, tout à fait impeccable. Ils sont très en forme, ils ont perdu du poids et ils étaient en feu. Bruce Dickinson, surtout, était dans une forme vocale resplendissante, même qu'il est monté presque en haut du système de lumière en chantant. Ils ont joué seulement des gros canons, des classiques tirés de leurs albums de 1980 à 92, c'est-à-dire de leur album éponyme jusqu'à Fear of the Dark. La scène rappelait leur tournée Power Slave, en 1984, avec des momies, des sarcophages. Un des moments forts du concert, ça a été l'interprétation de la longue pièce The Rime of the Ancient Mariner, que le groupe n'avait pas interprété depuis des lustres et des lustres. On écoute tout de suite cette pièce sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai metal à Trois-Rivières. C'est fou! Play it out. trust falls from his neck, sinks down like lead into the sea. We'll be right back. Iron Maiden avec leur longue pièce classique The Rime of the Ancient Mariner tirée de leur album Power Slave de 1984, un des moments forts de la soirée de samedi au Heavy MTL, première édition. Il semble qu'il va y en avoir une autre l'an prochain. Il va leur rester à trouver un groupe d'aussi grande qualité que Maiden et ça va pas être facile du tout. Il est 16h18, vous êtes à l'émission Rock Classic, en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dimanche, au Heavy MTL, c'était Motley Crue qui était en vedette. Il y a eu pas mal moins de monde pour Motley Crue que pour Maiden. 13 500 au lieu de 23 500 pour Iron Maiden. Ils ont l'air d'avoir un peu de difficulté à renouveler leur fanbase, Motley Crue, contrairement à Iron Maiden, qui attire beaucoup, beaucoup de jeunes. Mardi dernier, Motley Crue sortait un nouvel album, leur premier avec la formation originale depuis Dr. Feelgood en 89. L'album s'intitule Saints of Los Angeles. Il s'agit vraiment d'un album autobiographique basé sur leur expérience, qui rappelle un peu leur livre The Dirt, que j'ai lu il y a 2 ans et dont on est censé tirer un film qui va sûrement aider Motley Crue à renouveler cette fois-là leur fanbase. J'ai bien aimé cet album, mais comme la plupart des albums de Motley Crue, ça part en lion et ça vient un peu moins bon dans la deuxième moitié. Il y a toujours beaucoup de fillers sur les albums de Motley Crue. On va tout de suite écouter 4 pièces de ce disque Saints of Los Angeles sur les ondes de la radio des Mélomanes de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Dream, all infected with the same disease. Je voudrais te connaître, ouvrir un peu la fenêtre de ton cœur et de ta vie. Hey guys, les amis, c'est tellement ennuyant de déménager avec cette musique minable qui joue à la radio, n'est-ce pas? Nous avons dépassé notre budget sur ces boissons alcoolisées. Qu'allons-nous manger? Que faire? Est-ce que ceci vous est déjà arrivé? À cela ne tienne, le 1er juillet dès 13h, Sifu vous offre votre radio de carton. Et si vous écoutez jusqu'à la fin, nous vous enverrons peut-être une pizza Salvatore gratuite. Frais de transport et de manutention non inclus. Radio Carton, le 1er juillet à 13h, seulement au 89.1 FM. C'est fou ça! Radio Carton, une présentation de Pizza Salvatore, moins cher et fier de l'être. 819-376-7666. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123. Tunisiana. Si vous rencontrez une personne qui a la fibrose kystique, vous ne vous rendrez peut-être pas compte qu'elle est atteinte d'une maladie génétique mortelle. Parce que c'est de l'intérieur que la fibrose kystique tue. La fibrose kystique empêche les personnes atteintes de respirer normalement en détruisant graduellement leurs poumons. C'est la façon dont elles vivent et meurent. Pour en savoir plus, visitez fibrosekystique.ca et donnez-leur le souffle de vie. Motley Crue avec 4 pièces tirées de leur tout nouvel album studio sorti mardi dernier, Saints of Los Angeles. On vient d'entendre l'excellente pièce titre. Juste avant, on a entendu Down at the Whiskey. Et au début du bloc, on a entendu les deux pièces qui ouvrent le 10 LAMF, qui rappelle un peu l'introduction de In the Beginning, qui ouvrait l'album Shard of the Devil en 83, ainsi que la pièce Face Down in the Dirt. Un bon album de Motley Crue, sans doute leur meilleur depuis Dr. Feelgood. Mais c'est pas mal moins bon que Dr. Feelgood, par exemple. Comme je le disais précédemment, ça commence en Lyon, mais comme la plupart des albums de Motley Crue, ça se gâte au milieu. C'est rempli de fillers. Mais les fans de Motley Crue devraient être comblés, comme mon ami Mephisto, par exemple. Il est 16h34. Vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre à l'émission Rock Classique, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à son évolution dans le temps. Jeudi prochain, ce sont les légendaires Van Halen qui ouvrent le Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. C'est ce qu'on écoute tout de suite sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock. C'est fou! Hey, listen. Silence. How many times must good men die? Molly Hatchet. Avec la pièce Fall of the Peacemakers, tirée de leur album No Guts, No Glory. Juste avant ça, on a entendu le guitariste montréalais Walter Rossi avec Sniffin' the Breeze, classique tiré de l'album Diamonds for the Kids de 1980. Et au début du bloc, on a entendu Van Halen avec Running with the Devil, la pièce qui ouvre leur premier album éponyme. Je vous rappelle que Van Halen ouvre le Festival d'été de Québec, jeudi prochain, le 3 juillet, sur les plaines d'Abraham, avec le flamboyant David Lee Roth. Ça devrait être fantastique. Il est 16h50 et je suis maintenant en compagnie de mon ami, l'animateur des palmarès, Mathieu Plante. Bonsoir! Bonsoir! Quoi de neuf dans les palmarès, c'est fou? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Non, pas grand-chose. Seulement trois nouvelles entrées. Disons que ce qu'on a est bon. Ben, ce que ça veut dire, c'est que ce qui est là est tout à fait excellent. Excellent. Oui. Rien de moins. Du côté francophone, deux nouvelles entrées. Une de Philippe B qui s'appelle L'harmonie des sphères. Mm-hmm. Et un artiste que je ne connais pas encore, mort depuis 2 ans. Avec La machine à virer le vin. Qui a tourné pourtant, à ton émission. J'ai tourné ça, moi. Le poste d'écoute, oui. Mort depuis 2 ans. J'ai tourné ça. Ben, ça devrait. Mmh. Semble que oui. Pas sûr. Dis pas grand chose, moi. On va aller visiter le site web. on est au courant. Du côté anglophone, la seule et unique nouvelle entrée, c'est la pièce You and I de The Violet Archers. Et ça, je me rappelle d'avoir aimé ça. Oui, ça, t'as aimé ça. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Si on va sur ton site, on voit qu'il y a des petits cœurs à côté de Violet Archers. Des fois, il faut que j'aille sur le site pour me rappeler que j'ai joué des choses. Hein? Parce qu'on joue beaucoup de pièces. Si on joue pas des 40 même tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup. Beaucoup de contenu. Les numéros 1 la semaine passée, c'était Pomerlo avec J'aime pas du côté franco. Et puis en anglophone, c'était Teenage Head avec Top Down. Ouais. Est-ce que ça tient? Pour le savoir, il faut rester ici, assez fou. Au 89.1 jusqu'à 20h. Et à 20h, c'est notre ami Kiwan. Oui. Oui. Avec la dernière porte à gauche pour le meilleur du rock franco en émergence. Encore une fois, cette semaine, les lutins de l'enfer ne sont pas là. Ils sont en Scandinavie. Ils ont encore une émission, par exemple. Oui, oui. Ça existe encore. Oui, oui. Ben, ils sont là pour se ressourcer en Scandinavie parce que c'est un peu le paradis des amateurs de métal, la Scandinavie. Le paradis de l'enfer. Okay. Si on veut. à 23h, Electrochoc sera là pour les amateurs de musique électronique lourde. Je vous rappelle que Rock Classic est rediffusé cet été à tous les mardis de 15h à 19h, mais pas mardi prochain. Non. Pourquoi? Parce que j'anime Radio Carton à partir de 13h jusqu'à 19h. C'est une émission spéciale pour le déménagement. Oui. On vous met de la bonne musique puis on vous donne de la pizza. Mm-hmm. On est fin. Hein? T'es intéressant. On est gentil. Oui. À 19h, mardi prochain, bien sûr, c'est l'émission de Power Metal, Metal Progressif, Metal Mélodique, La Brigue et le Fanal avec Michel Proulx. Et à 21h, ça va être encore les choix de l'enfer parce que le Dr. Pendragon y est en vacances à partir de mardi prochain. Ça tend beaucoup de travail, les mois de juillet. Oui. Vendredi prochain avec Classique, moi, j'en prends pas de vacances. Je vais vous présenter un groupe de jazz rock britannique qui s'appelle IF. Mais en fait, la semaine prochaine, je vais présenter un petit spécial jazz rock afin de souligner le festival de jazz à Montréal. Il y a quand même beaucoup d'éléments de jazz dans le rock. Mm. Et c'est ce que je vais présenter la semaine prochaine. Il n'y a pas de spécial pour le festival avec du Eric Lapointe, par exemple? Hein? Non, surtout non, pas. Non. Surtout pas. Dommage. La pointe. Hein? Je vous laisse avec une dernière pièce. Et il s'agit d'une pièce tirée du dernier album d'un groupe qui, à mon avis, ont donné la meilleure performance dans l'après-midi samedi dernier au Heavy MTL de Montréal. Je parle de Overkill avec la pièce Shadow of a Doubt. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en passer une autre, mais ça, c'est vraiment pas ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve à 13h vendredi prochain pour une autre émission rock classique. Salut! Louise 96.9.